C'était crabe, mine de rien, mine de rien. On va enchaîner avec un genre de début de tune de The Mirrors que je vais mettre pendant que Catherine vous explique qu'est-ce qu'on va mettre ensuite. Parce qu'il paraît que son chum fait de la musique, puis que madame, elle va le plugger. Oui, c'est un band australien qui vient de Melbourne qui s'appelle Pretty City. Un genre de semi-psyché fuzzy rock'n'roll. D'ailleurs, Facebook me dit que en ce moment même, sont en spectacle à Melbourne. Hey, c'est vraiment le jet set. Mais là, tu veux dire que lui, pendant ce temps-là, il joue pas? Non, lui, il est avec moi, ici. Je m'excuse! Je suis désolée! Le band, il fait quoi, là, sans son drum? Non, non, je... Il joue de la basse, son meilleur ami le remplace, qui m'a dit. On me glisse à l'oreille. Mais sont en tournée pas mal mondiale, là. Je veux pas me vanter, mais... OK. Fait que là, c'est là qu'il est rejoint. OK. Magnifique. Ah, quelle belle histoire. Maintenant, je vais couper tranquillement le fond musical. Tu vas continuer de nous entretenir sur ça. Et on va partir une chanson de Pretty City pas longtemps après. Je sais pas si tu avais une chanson de prédilection sur Colorize, je crois. Ouais, Colorize, qui est le premier album. Ben, le premier LP, dans le fond. Puis la chanson, ça serait Melt, parce que c'est la plus psychée, mettons. La plus psychée, mettons. Exactement. Mettons. OK. Fait voilà. Que, dis-nous pourquoi c'est la plus psychée déjà? Ah, ben, vous allez, en l'entendant, vous allez comprendre, là. Il y a plein de fuzz et d'effets sonores, tout en ayant des petits riffs rock'n'roll très matinal. Voyons voir. Si nous voyons. Voyons-nous? Écoutons voir. Écoutons la musique. Avec que ça va fonctionner mieux comme ça. Yeah. comme vous avez pu constater, on a passé de la demande spéciale de Catherine, qui est la musique de son copain Pretty City, à la pièce Melt, comme la pièce Phase de Phase qui s'appelait Melt. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu m'as demandé si je l'avais, là, j'ai dit oui, oui, je l'ai déjà, c'est Phase. Après ça, j'ai comme buggé, puis c'est ça. C'est trop intense nos concepts. Des fois, on vient qu'on se brouille, hein, quand c'est psychédélique. Des fois, les gens sont pas sur la même longueur d'onde. On parlait d'ailleurs de longueur d'onde à 3h55 quand on est arrivé pour se parquer. On parlait des couleurs et des gens qui font de la tétrachromatie. En fait, ils font de la tétrachromatie. Et puis là, ils voient une quatrième couleur primaire comme. Fait que là, tout est composé de quatre couleurs? Non, c'est qu'il y a une nouvelle couleur que personne voit. Mais il y en a plus que quatre des couleurs. Non. Non, mais oui. Non, oui. On le sait plus. Hey. C'est quoi la couleur, anyway? Puis là, qu'est-ce qu'on écoute, donc? The Heaters. Ou juste Heaters. Just Heaters. Ben, apparemment, qui ont des membres à Montréal. Et... Oh. On le sait pas trop. Ben, ça se peut. Moi, je le savais pas. Je le connaissais même pas. Je savais même pas qu'il existait, mais c'est super bon. Fait qu'on va aller écouter ce qui reste, qu'on n'a pas massacré. La pièce s'appelait Gumdrop, et l'album, lui, Holy Water Pool. Et c'est sacrilège, comme Acide Bébé Jésus, une piscine d'eau bénite, imaginez-vous donc, pour tremper votre bébé Jésus sous l'acide, pour le réveiller. Ok, c'est bon. On va aller écouter un autre groupe des Nuits psychédéliques de Québec, parce que vous êtes à la Nuit psychédélique des Nuits psychédéliques. Aïe. Donc, le prochain Ben, Wizard. Ils viennent de? Juste Limoilou. Non, ils viennent de Montréal, je pense. Peut-être de Limoilou. Oui, non, Montréal. Montréal? Montréal. On me confirme presque que c'est à Montréal. Dans mon oreillette. On me dit, rien pantoute. J'en ai pas. J'en ai jamais eu de ma vie. D'ailleurs, mon mot du jour, d'ailleurs... C'est oreillette. ils vont être aux nuits pour la soirée du 27 avril. C'était une soirée à thématique illumination. Oh! Il y a aussi émanation. Oui, qui est la soirée. C'est quoi, premier trempage ou non? C'est quoi? Premier... C'est quoi, non? Premier contact. Premier contact. Oui. Voilà. Et c'est magnifique, le visuel. Allez voir ça, lesnuitspsychédéliques.com. Non, c'est quoi le site? Lesnuitspsychédéliques.com. Tabardouche. Comme disait à la Claire, mais là, je dis pas ça à toi, je dis ça à aucune femme en particulier, mais c'est une belle rime. Tu peux aller sur le .com pour te coucher moins con. Oh. Mais ouais. Ils sont pas sexistes, hein, à la Claire. Ils sont post-bas canadiens. Traditionnaliste, revival. Ah, oh ouais, ouais, c'est ouais. Intéressant. Et le nom de la pièce oui. que t'avais? Oui, j'ai choisi. Ça parle de chat, hein? Oui, j'ai attentivement analysé les paroles l'autre soir de la chanson de Chetched Monster Case. Ah, ça parle pas de chat. Oh. Stay there. Et on est en 2018, hein? Vous vous rappelez qu'on est en 2018, même si c'est la nuit psychédélique des nuits psychédéliques. Et vu qu'on est en 2018, c'est Catherine qui choisit encore une autre chanson. Wow! On va y aller avec Yako Garner. Une sélection en vinyle. Exactement! Avec le titre Find Yourself. Trouve-toi. Trouve-toi. Trouve-toi sur l'album Hypnophobia. Voilà, on a un petit problème. Ça sera pas bien long, Sam est sur le problème. Ça peut être long finalement. Fait que je vais vous parler de Yako en attendant, qui est un artiste qui vient des Pays-Bas. Puis l'album qu'on va écouter, c'est Hypnophobia, si ça fonctionne, sorti en 2015. Puis si ça fonctionne pas, je vous suggère d'aller l'écouter sur la plateforme que vous voulez. Bandcamp, c'est pas très populaire. On s'est fait confirmer par un monsieur qu'on a rencontré tantôt en marchant qui nous a dit qu'il n'y avait pas de Bandcamp. Mais il nous a aussi dit que c'était lui, King Gizzard. C'est le monsieur, c'est ça, hein? C'est le monsieur qui avait parce pas de Bandcamp. Parce que Catherine a voulu lui demander c'était quoi son band préf. Oui. Mais moi, j'ai compris... C'est quoi son Bandcamp? Puis là, je trouvais ça drôle parce que le monsieur, il avait pas l'air d'avoir d'ordinateur. Puis je me dis qu'il sait probablement pas c'est quoi Bandcamp. Puis qu'il sait probablement pas comment faire de musique et de la mettre sur Bandcamp. Puis peut-être qu'il fait de la musique. Ouais, il pourrait faire de la musique. Genre, jouer de la cuillère. Je pense que ça serait son genre. Et ta chanson, c'était la troisième par hasard. Find Yourself. Je pense que c'est la quatrième. On va aller écouter ça. Parfait. C'était la fin de la troisième. Il y avait un petit problème de table tournante. Voilà. La magie de l'analogique. Summer scene when the wind la chanson qui vient de se terminer. Avec quoi on suit, François Sam? Avec Yako Gardiner. Et là, je voudrais t'avouer en onde, d'abord, que tu sais, tu as remarqué, j'ai fait sauter le vinyle avec mes fesses en m'assoyant. Parce que vinyle, c'est toujours fragile. Rappelez-vous oui. ça, les enfants à la maison. Et ensuite, je voulais aussi te dire que j'ai volé ta carte de download qu'il y avait dans le vinyle, parce que c'était vraiment bon. C'est correct. Puis si tu l'as déjà downloadé, ça va juste me rappeler c'est quoi le nom. Puis je vais essayer d'écrire à la compagnie pour en mettre à mon émission. Parce que d'habitude, j'ai une émission, les transmissions transversales. Ah, c'est quand? Jeudi, de 18h30 à 20h, sur les ondes de votre radio préférée, c'est KRL 89.1 que vous écoutez depuis minuit, j'espère, avec nous, tout le monde, que vous vous êtes pas couché encore ou que vous vous êtes déjà levé. Ou en tout cas, j'espère. Vous avez pas appelé hein, pour nous dire si vous vous leviez ou si vous vous êtes couché. D'après moi, y a pas personne qui écoute. Là, on est tombé exactement à l'heure où tout le monde est couché et personne est levé, ou en tout cas proche. Mais là, 6h30, il y avait déjà un bus, mais il y avait juste un chauffeur dedans, je pense. Non, il y avait un passager. Un passager. Une passagère, même. Hey, on est en 2018, il y avait une personne de chaque. C'est la parité jusque dans l'autobus. On va faire la parité à la radio encore jusqu'à 7h30. Il reste donc une heure à vous torturer allègrement. On va enchaîner ça avec Maria también una pièce de Juan Bean. Mais tout est en espagnol, mais me semble c'est des arabes ou je sais oui, pas trop. Oui, c'est Radio Futura. Futura! Con todo el mundo! C'est le nom de l'album en plus. Et Maria también... C'est elle. Prochaine chanson qui va suivre, qui me fait un grand plaisir de vous annoncer. Ils vont être au Nuit Psychédélique en 2064. T'es même pas là! C'est un choix collaboratif entre François Sam et moi. Ben oui, parce que je lui ai suggéré Mind Mischief. Et elle avait déjà choisi Feels Like We Only Go Backwards. Mais comme tout est bon, puis que j'avais déjà un vinyle dans les mains, hein, voilà. À quoi bon faire un deuxième choix quand le premier est bon? Exactement. Qui choisit prend pire? Non. If it ain't broke, why fix it? Puis tout. Tout. Mind Mischief. Il y a un petit gars qui tripe sur sa prof, je pense. Puis c'est vraiment psychédélique. Voilà pour le beau groupe de Kevin Parker. Ouais. Tame Impala, les Australiens qui font fondre ton cœur. Oui, toujours. Et le mien aussi. On va enchaîner ça avec de la musique en 0 et en 1. Ça va s'appeler Dr. Flake. C'est très pop, mettons. Mais c'est très varié d'une pièce à l'autre. Et Fields, c'est le nom d'une pièce sur son plus récent album... Divagation. Excusez-moi. excusez, j'étais parti. Tu divaguais. Oui, je regardais le clip de Mind Mischief. Le clip de Mind Mischief que j'ai dit aux gens d'aller regarder, du petit gars qui était amoureux de sa prof. C'est beau, la vie. Mais Dr. Flake, il y a peut-être des clips aussi, là. C'est à lui qu'il faut penser maintenant. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, en compagnie de Catherine Bélanger. Filiatro. Filiatro. Filiatro, le F, c'est pour filiatro comme Denis, c'est ta mère. Denis, c'est ma mère, puis ma tante, puis ma grand-mère. Et elle fait tellement d'affaires. Les metteurs en scène, c'est polyvalent de nos jours. Fait que Dr. Flake, après ça, je vais peut-être même vous en mettre une autre toune de quelque chose d'autre. Mais on sait pas encore c'est quoi. On sait pas encore c'est quoi. On s'en va vers du plus nouvel âge. Tranquille. Mollo. Mais si vous voulez plus de la musique électronique, vous pouvez appuyer sur le 1. Si vous voulez plus de la musique rock, vous pouvez appuyer sur le 666. Vraiment, Satan. Si vous voulez, Richard Pinhas, ne faites rien. Il va jouer après. La pièce va s'appeler Claire P. Et je vais laisser le micro de Catherine ouvert pour qu'elle rie tout le long de la pièce. Parce qu'elle va rire. Et vous aussi à la maison, vous allez rire. Bienvenue dans la rhizosphère. Catherine a quelque chose à vous dire. Je vous l'ouvre. Richard. C'est le nom d'un de nos auditeurs et c'est aussi le nom du compositeur. Richard. Pinhas. Vous n'aviez pas encore ouvert vos chakras, là. Vos cadrans. Si votre cadran n'a pas encore ouvert votre chakra, c'est le temps. Le temps sur le cadran. Venez nous dire bonjour, puis emmenez-nous des muffins. Oui, Catherine accepte les dons en poutine de snack de minuit passé 5 heures. Surtout de la poutine. Surtout de la poutine. Puis du chocolat. Puis du chocolat. Si vous avez une poutine au chocolat, vous marquez double. Le rêve. Voilà pour cette séance de méditation transcendantale signée Les Transmissions Transversales en contrôle de la nuit psychédélique, des nuits psychédéliques, en communion avec Catherine Filiatro-Bélanger, Lacasse. Oui, donc... On dirait une firme d'avocats. Pardon? On dirait une firme d'avocats. Oh. C'est bon, les avocats. Oui, surtout bien mûrs. Surtout bien mûrs. Alors, on va écouter... Une sélection de ton cru que tu croyais bon, enchaîné. C'est le blues de l'égout. Que je croyais bonne, la chanson, on parle. Donc oui, Sewer Blues, Timber Timber. Timber Timber, projet de Taylor Kirk, oui. Qui est torontois, mais à Montréal. Et Ottawa. Et Ottawa. Et multisouin. Le monde. Wow. C'est son quatrième album, je crois. Ça parle du monde. Ça s'appelle Sincerely Future Pollution. Très triste. C'est très triste. Comme Catherine est très triste en ce moment. Je suis très triste. Sad Catherine. Now I come before you, moving through this tomb. A vapor and perfume in fog-filled rooms. Solemn anger at dawn, locked down in the harness, drawn away from the low. The voices barking of nausea and fear. this knowledge I despise. The angel you assume, commander alibi. I'll surrender to the few. It's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go away back to you. I'll go away back through your love. I'll go away back to you. I'll go away. Raise a roof above this room as the song repents. Order of the underground, as the sewer runs clear. Stretch your skin in front of me, undo every other year. But now I come for you, I come for you. For your vapors and your perfume, for your fog-filled room, for your body and compass, for the body you adorn. As a bed is a necklace, as a mask is a horn. It's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you. I'll go way back through your blood. I'll go way back to you. I'll go way back through your blood. On va rester à Montréal, voulez-vous bien? On va mettre Ephrem. Ephrem, le petit Ephrem, il a grandi depuis le temps. Ephrem Manuel Menuc, fondateur du Hôtel Toutango, de Constellation Records et de Godspeed You Black Emperor. Son deuxième album solo s'appelle, très joyeusement, Pissing Stars. Et la pièce a un nom que je vais tenter de vous lire à travers les cracks de mon écran cassé de iPod. Art Khashoggi. Catherine, est-ce que tu connais Ephrem? Non, parle-moi en plus. Non, tu connais pas. Tu connais-tu le Godspeed You Black Emperor? Ben, c'est un des petits gars, là. Ah! Je connais un chien qui s'appelle Godspeed. Il va-tu vite, comme Dieu? Oui. Il est bon. Il est magnifique. Thank you. Bon, je vais continuer un petit peu de prendre le contrôle de la tranquillité, mais il faut dire qu'il reste juste une demi-heure ou à peu près, et le mot de la fin sera approprié. C'est un choix de Catherine. Hein? Beau concept, un encore beau concept, une fois. Encore une fois. Mais on ne vous en dit pas plus, pas beaucoup plus en tout cas. Mais là, je vous mets Hip-Hop Will Never Die Because It Has The Right To Children. C'est un nouvel album de Maxime Robin qui sera lancé au Knockout demain, qui est le disquaire préféré de CKRL et des Nuits Psychédéliques. Et de moi-même. Et de moi-même aussi. Hein? C'est égal 2018 pour plein de raisons encore. Wrath, c'est le nom de l'acronyme qui est la pièce et c'est Wulong Rules Everyone Around, je sais pas trop. To children. Ouais, en tout cas, c'est hot. Non, mais c'est vrai, Maxime, il y a Guy qui a des bons noms de tunes, puis son nom d'album est un mélange entre Hip-Hop Will Never Die et Music Has the Right to Children, qui est un album de Boards of Canada, et ça se trouve être du hip-hop ambiant. Donc, mais là, pour l'instant, je vous présente 103.never, l'album Good Time Raw et The Acid Hits, comme si l'acide embarquait. Et Maxime Robin, juste après, juste dans après. 50 secondes. Restez des nôtres. C'est KRL 89.1. C'est pas cœur, hein? Cœur, hein? C'est dans la boîte. Boîte. Dans le hip-hop champ gauche avec Mathieu David, la pièce Desert Moon de Time Flying Beats. Et vous êtes toujours à CKRL 89.1 dans cette nuit psychédélique, des nuits psychédéliques pré-radioton, parce que là, le radioton est commencé, mais là, on est comme entre deux, on fait pas les encans, nous, la nuit. On n'a pas vraiment le talent pour ça. Mais restez sur les ondes de CKRL 89.1 toute la journée et misez sur des lots incroyables de tous nos partenaires qui vont nous aider à atteindre nos objectifs cette année encore pour vous offrir la meilleure radio dedans le monde de Limoilou et de partout. Maintenant, Catherine, elle va vous faire une imitation de son cru. Oui. En fait, je vais profiter de ça pour ne pas faire une imitation, mais vous invitez tous les auditeurs qui ont des chiens à venir nous voir en studio, s'il vous plaît. Mais vous pouvez pas amener votre chien. Venez nous montrer des photos sous votre selle. OK. Parfait. Excellent. Fait qu'on écoute Mark Pritchard et de Parkatone Melody 2, tiré de The Four Worlds. On enchaîne avec John Zorn, tiré de Urmuz Epigrams, la pièce Then Again, Who Amongst Us Can Complain? Thank you. Je pense que c'est le meilleur moment pour que tu nous parles un peu du roller derby. C'est un sport féministe. Hein? C'est un sport à roulette. Très populaire dans les années 70, lorsque le rock psychédélique était aussi très populaire. Est-ce que c'est un fruit de l'acide comme le rock psychédélique, le roller derby, tu crois? Je pense que pour penser à tous les règlements qu'il y a dans ce sport-là, faut effectivement pas être à jeun. Oh. Voilà. Il y a beaucoup de règlements? 50 pages. 50 pages? Oui. Alors, les gens à la maison qui voulaient vous intéresser au roller derby, le PDF est sur le site de la Fédération. Exactement, la WFTDA. Et sur la page de Roller Derby Québec. Parce qu'il y a une équipe de roller derby à Québec. Il y en a même deux. Trois. Et il y a équipes. Du gros calibre. Il y a des gens qui vont un peu partout dans le monde. Oui, les Duchesses viennent de monter au classement. Je vous dirais qu'on est en bas des 100 premières sur un total de 339 équipes. Quand même. Quand même très bon pour une petite ville plate comme Québec. Exactement. Eh bien, fait qu'on va aller écouter une autre chanson maintenant que la chronique est terminée. C'est Intermezzo, en parlant de c'était une intermède, présentée par la RDQ. Et Intermezzo, c'est l'Infonie. Et l'Infonie, c'est l'album volume 3. Ils ont 4 albums, le 3, le 33, le 333 et, tenez-vous bien, le 3333. Intermezzo et toutes les affaires s'en vont de tous les côtés. En même temps, c'est les deux pièces que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, l'Infonie, il y aura une partie de leur catalogue qui sera présentée au FIMAV à Victoriaville au mois de mai parce que Walter Boudreau va présenter un concert spécial pour, je crois, le 50e anniversaire de la fondation du groupe. Ça ferait du sens. C'est quand même malade. Fait qu'on va aller écouter l'Infonie dans 5, 4, 0. C'est malade. C'est comme ça qu'ils font l'Infonie. Ils nous déstabilisent. Ils nous déstabilisent tout le temps. Est-ce que tu as été déstabilisé, toi? Ben, je suis complètement pas stable. Complètement pas stable d'avance. Imaginez-vous donc à quel point elle a été déstabilisée. Comme vous, messieurs, dames à la maison. Et on continue déjà avec ma dernière sélection, hein? Mine déjà? De rien. C'est la deuxième fois que je dis mine de rien. C'est une expression vraiment sous-utilisée. Oui, il y a d'ailleurs une magnifique soirée qui s'appelle Mine de rien où on incite les gens à créer en commun. Je crois que ça se passe au Tam Tam Café. C'était au magnifique et défunt L'Agité auparavant. Et vous pouvez vous informer. Je pense qu'il y a une page Facebook. Vous allez pouvoir faire des dessins avec Mine de rien. Donc, j'ai pas dit l'expression pour rien. Je l'ai dit pour une sixième fois. Mais là, je redis pas. Lee's Palace, c'est le nom de la pièce que j'ai choisie. Lee's Palace, en fait, c'est une place où il y a des shows à Toronto, mais ils ont comme mis l'apostrophe à la mauvaise place, puis ils ont collé les deux mots. C'est des coquins à ce point-là. Do Make Say Think, c'est le nom du groupe. Do Make Say Think, c'est le nom de l'album. Et Do Make Say Think, c'est les quatre verbes, je crois, les plus utilisés de la langue anglaise. Non, je sais pas, mais il faudrait, hein? Je pense que c'est la langue coréenne. Oui. Do Make Say Think. 500. on a fait de l'appropriation culturelle toute la nuit. On s'en excuse. C'est KRL 89.1, c'est la radio du peuple. Et c'est la radio qui est à vous. Et c'est là que c'est le moment de le prouver. Parce que d'ailleurs, ben, il faut supporter toutes nos niaiseries. Mais ensuite, il va falloir encourager ces KRL tout au long de la fin de semaine pour le Radioton 2018. L'objectif, comme chaque année depuis quelques années, 42 000 $, c'est très modeste parce que on roule toute l'année. D'ailleurs, moi, je suis bénévole. Catherine est bénévole, imaginez-vous. Je suis allé chercher à 3h du matin avec mon auto qui pue, puis qui fait du bruit. Puis on est venu comme ça braver la tempête pour dire des niaiseries, pas juste consommer de caféine, puis comme avoir une belle fougue naturelle comme ça, juste pour vous. Puis la sélection qui va suivre après Do Makes It Inc, que je laisse jouer dans un instant. Et c'est une belle pièce, il reste à peu près 5 minutes. Là. C'est pour ça qu'on s'est gâté. C'est Catherine qui l'a faite. Et c'est Temples, hein? Oui, avec... On le garde en surprise. On va le garder en surprise. Mais ça se peut finalement que ce soit pas la dernière pièce, parce que j'ai remarqué que c'est la dernière pièce du côté du vinyle que t'as choisi. Je pense qu'il faudrait au moins en mettre deux, parce que pour le timing puis tout, là, c'est compliqué ces affaires-là. Fait qu'on va mettre la pièce qui précède celle que t'as choisie et celle que t'as choisie. Alors, on fait encore un compromis. Pas vraiment, en fait. Non. On fait un super promis. Oui, exact. Je sais pas trop tous les deux d'accord. Comment ça se dit. Fait que, ouais. Do Makes It Think de Toronto / Montréal sur Constellation Records. C'est leur premier album. Ils en ont 6 ou 7. Leur 7e, me semble, Stubborn Persistent Illusion est sorti l'an dernier. C'est tout bon. Très productif. C'est jazz, c'est post-rock. C'est tout. C'est toi, c'est moi, c'est nous autres. C'est aussi... C'est Watatatao. On l'entend pas beaucoup, hein? Oui, mais là, je vais le monter, puis on va se taire. Mais même si on est capable de se taire, je vais fermer le micro, tu sais. On peut continuer à parler, là. C'est bon. Parle autant que tu veux, là. Je vais fermer le micro, de toute façon. Parle. Alors, c'était Doom Exciting, ma dernière sélection avec la pièce Lee's Palace de leur album homonyme. Et maintenant, le deuxième album de Temples, choisi par Catherine, okay. En vinyle. En vinyle toujours. Finalement, on a juste le temps pour une toune. On est vraiment désolé, on vous a menti. Mais c'est celle que t'avais prévu mettre, donc oui. Tout est bien qui finit bien. Et oui. Elle s'appelle... How Would You Like To Go? Ben, comme ça. Quel concept. Incroyable. C'était Temples avec How Would You Like To Go. Merci à Catherine. Salut! Bye! Et c'était la nuit psychédélique des nuits psychédéliques. Restez sur les ondes de CKRL 89.1 pour le Radioton.